beau courir jusqu'au Chili, caché au fond de la Bolivie, te perdre quelque part en Afrique ou au Mexique. Tu peux t'envoler jusqu'en Australie, te barricader au fond de l'Arménie, aller chasser en Tanzanie ou en Sibérie. Tu peux partir pour Singapour, mais il faudra bien revenir un jour. Et pelleter avec la boue dans le nez, tu ne seras pas d'attaque à deux doigts de la crise Cadillac. Pelleter, pelleter dans la boue jusqu'aux genoux. Tu voudrais prendre la poudre d'escampette, mais tes deux pieds sont pris dans la boîte. Sur terre et pelleter, pelleter.